calciné. Il faut que tout pêche en train d'halluciner. Juste une conquête, suffit pour la fasciner. Je la ramène à l'hôtel, on n'a pas au ciné. Des bombes, ils veulent tirer. Suivez des filles, tu t'as volé. Ouais, mec, le traiting, c'est le jour. La femme, ça le pétard, mais y'a rien à nadou. Nous bras pas pour des bourses dans la merde, nous nageons, c'est la haine. Ouais, ça nous rend plus fort. On veut pas pour ta quête, on veut pas notre feu fort. Si on a le but dans la tête, on fournira les efforts. On fait sauter le plein fort. Normal, si j'ai pas tué, même moi, normal. Après, comme ça se fout normal. Les joueurs, les perquis et les bombes, normal. Comme d'hab, on fait ce qu'il y a à faire, on s'en va avec debout. Ouais, on prend les devants, les poches sont trop à terre, il faut qu'elles soient debout. Si tu parles sur moi, c'est que tu vends sur moi, et ben, tu prends le bout. J'avale pas coup par coup, j'ai croisé trop de buts dans mon parcours. Y'a les blèmes pro, y'a les blèmes pro, y'a de la mise en mini. J'passe en un bro, j'suis pas de guiri-guiri. J'ai trop les gros, c'est fini-fini. On fait ce qu'il faut, ça change pas, c'est déjà la pointa. Toutes les couleurs, on s'en fout des quotas. On a tous une douleur qu'on ne dit pas. Tu fais le rouleur, mais t'as pas besoin de ça. Chez moi, y'a des têtes bousillées. Le bout du canon essayé. De m'endormir, ils vont essayer. Déterminé, je reste éveillé. Y'a des choses inoubliables. On le sait, c'est fiable. Ne sois pas désagréable, te fais pas emboucaner par le diable. J'ai peine à mettre dans le casquette, la capuche ou la casquette. Ah, j'ai que son casquette, c'est pas le fou de basket. À la prison, on gantait nos larmes vers la rue. Par la pendant tu reviens pas, mais les dada. Vas-y, cherche-moi, je te pète ton crâne. 1, 3, béton crack, j'mets la M, j'ai de travers en crack. J'ai envie de bander, faut que je sorte un cross. Coup de crack dans la tête, y'en a beaucoup. L'hiver, j'suis pas l'été, j'suis blanc à la zone de coups. Je m'emmerde, je mets bien ma hache debout. Pendant que ça gamberge, j'en fais des cocos. Je mets un steak, frites, mets la mayonnaise. On se plaint toujours, mais on rit, on baise. On va te soulever à la lyonnaise. On fume la frappe à la hollandaise. Je te baisse, je te baisse, je t'appelle en jazz. On a arrêté d'être romantique. Je connais des mecs en chien, en chiette. Qui seraient prêts à te sauter pour un ticket. Appelle les poulets, j'ai du salami. Je vais rionner comme une salamandre. Rastan là, j'ai dit de faire du salami. J'ai la queue en peu, appelle-moi salamèche. Je vais tous les baiser, ça c'est promis. Pas de menaces, que des promesses. T'as fait le fou, mais t'as pas fait le temps. Ça t'a niqué ta mère, ça t'a niqué ta race. La 3-5 pour ton grosse équipe de taré. Zéro pique, ici tout est carré. Veste qui l'âme, soit avec les cœurs qui t'arrêtent. Je fais le taf, je baisse les tasses. Je creuse les cartes, je baisse de la prod. Je t'envoie les doses, je mets les gaz. Je contrôle la zone, mieux que la focus. Je suis culotté, je suis bien focus. Je te les attique quand les fuck au tir. Car ça vole plus que des tocons. On sait ce que tu vaux, on s'en fout de ta ville. On s'en fout de ta vie. On s'en fout de ton frère, on s'en fout de ton avis. On va gâter le coin, colo. On va prendre la concu à coup de gros. On les met à la mode, nous dans la mada, c'est nous qui sommes à la mode. C'est qu'il peine dans le casquette. La capuche ou la casquette. Ah, j'ai que sous en casquette. C'est pas le fou de basket. Adage, prison, fourgon, t'es d'eau. Là, on perd la vue. Par leur fandom, tu retraites pas. Mais les dada, c'est qu'il peine dans le casquette. La capuche ou la casquette. Ah, j'ai que sous en casquette. C'est pas le fou de basket. Adage, prison, fourgon, t'es d'eau. Là, on perd la vue. Par leur fandom, tu retraites pas. Mais les dada,